Genèse chapitre 29. Jacob donc se mit en chemin, et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, un puits dans un champ, et là même trois troupeaux de brebis, couchés près du puits, car on y abreuvait les troupeaux, et il y avait une grosse pierre sur l'ouverture du puits, et quand tous les troupeaux étaient là assemblés, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux, et ensuite on remettait la pierre en son lieu. Sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Ne connaissez-vous point Laban, fils de Nacor ? » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Se porte-t-il bien ? » Ils lui répondirent, « Il se porte bien, et voilà Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Et il dit, « Voilà, il est encore grand jour, il n'est pas temps de retirer les troupeaux, abreuver les troupeaux, et ramener les paîtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons point jusqu'à ce que tous les troupeaux soient assemblés, et qu'on ait ôté la pierre de dessus l'ouverture du puits, afin d'abreuver les troupeaux. » Et comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et il arriva que quand Jacob eut vu Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et, élevant sa voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était neveu de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et il arriva qu'aussitôt que Laban eut appris des nouvelles de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison, et Jacob récita à Laban tout ce qui lui était arrivé. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Et il demeura avec lui un mois entier. Après quoi Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien, parce que tu es mon frère ? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or Laban avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Léa, et la plus jeune, Rachel. Mais Léa avait les yeux tendres, et Rachel était de belle taille, et belle à voir. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne, que si je la donnais à un autre, demeure avec moi. » Jacob donc servit 7 ans pour Rachel, qui lui semblèrent comme peu de jours, parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. » Laban donc assembla tous les gens du lieu, et fit un festin. Mais, quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob, qui vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa servante à Léa, sa fille, pour servante. Mais le matin étant venu, voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel, et pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Oh, M ne fait pas ainsi en ce lieu, de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. » Jacob donc fit ainsi, et il acheva la semaine de Léa, et Laban lui donna aussi pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna Bilha, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. Il vint donc aussi vers Rachel, et il aima plus Rachel que Léa, et il servit encore chez lui 7 autres années. Et l'Éternel voyant que Léa était haïe, ouvrit sa matrice, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut, et enfanta un fils, et elle le nomma Ruban, car elle dit, « C'est parce que l'Éternel a regardé mon affliction, c'est pourquoi aussi maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, « Parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci. » Et elle le nomma Siméon. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, « Maintenant mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté père, ou fils. » C'est pourquoi on appela son nom Lévi. Elle conçut encore, et enfanta un fils,